Elle s'appelait Dulcie September. Elle représentait à Paris l'ANC, le mouvement de Nelson Mandela. Le 29 mars 1988, elle est abattue de plusieurs balles de 22 longs rifles sur le palier de son bureau. Un assassinat exécuté, à l'évidence, par des tueurs professionnels. Immédiatement, les soupçons se portent sur l'Afrique du Sud et ses services spéciaux, même si un ministre français, on est alors en pleine période de cohabitation, s'empresse de parler d'un règlement de compte entre factions rivales au sein de l'ANC. Comme dans l'affaire Messili, cet avocat franco-algérien assassiné un an plus tôt à Paris, lui aussi, l'enquête se traîne et le dossier fera l'objet d'un non-lieu en 1992. Depuis, on le sait, l'Afrique du Sud est devenue un pays démocratique et l'apartheid a été aboli. Les nouveaux dirigeants ont essayé de faire la lumière sur les exactions commises par la police et l'armée. Une commission Vérité et Réconciliation a été constituée. De nombreux cadres des services secrets, des escadrons de la mort, chargés de lutter contre les militants de l'ANC, ont été entendus. Certains ont reconnu l'implication de leur organisation dans l'élimination de Dulcie September. Mais l'affaire n'est pas pour autant résolue. En effet, il reste à savoir pourquoi exactement la représentante de l'ANC à Paris a été abattue. A-t-elle été tuée simplement parce qu'elle appartenait au mouvement de Mandela, ou bien a-t-elle été éliminée parce qu'elle était en possession d'informations de première importance? Enfin, autre interrogation qui nous concerne directement, est-ce que des Français ont été mêlés à cette affaire et si oui, pourquoi? Monsieur X entend répondre à toutes ces questions, des révélations souvent embarrassantes. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dulcie September se sentait en danger. Pourquoi? Elle avait reçu des menaces? Oui, enfin, elle s'en était ouverte, en particulier à son supérieur installé à Londres. Mmh. Bon, faut dire qu'à plusieurs reprises, elle avait reçu des coups de téléphone inquiétants. Et elle avait même été attaquée dans le métro. Et est-ce qu'elle connaissait l'origine de ces menaces? Ben, il était clair pour elle que ça venait de l'Afrique du Sud. Elle avait d'autant plus de raisons d'avoir peur que de nombreux militants de l'ANC venaient d'être assassinés à l'étranger par des tueurs sud-africains. Et deux jours plus tôt, son homologue à Bruxelles avait échappé à un attentat à l'explosif. Mmh. Mais est-ce qu'elle-même disposait d'une protection particulière? Elle avait demandé, effectivement, une protection policière au gouvernement français, mais les autorités n'ont pas donné suite. Les autorités françaises? Oui. Mais pourquoi alors? J'imagine que le ministère de l'Intérieur a dû considérer que l'ANC, ne bénéficiant pas d'un statut diplomatique, ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de protection. J'ajoute, pour être tout à fait honnête, que les autorités françaises ont toujours nié avoir reçu cette demande de protection policière. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Pas beaucoup, non. Il y avait au sein même du cabinet du ministre... Attends, le ministre... Ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Oui, donc il y avait au moins un homme qui appartenait au lobby sud-africain. Oui, mais vous pouvez étayer cette accusation? Bien sûr. Cet homme, un ancien de l'OAS, dirigeait une publication qui ne cessait de chanter les louanges de la République sud-africaine. Et vous pensez qu'il aurait pu faire en sorte que l'on refuse une protection policière à Dulcie September? Ça ne me paraît pas impossible. Alors, pensez donc que les dirigeants sud-africains de l'époque, enfin ceux du régime de l'apartheid, avaient des complicités en France au plus haut niveau. Ça c'est certain. Nous y reviendrons d'ailleurs si vous le voulez bien. Parce que ça pourrait avoir un lien direct avec l'assassinat de Dulcie September. Hein? Non, écoutez, n'allons pas trop vite quand même. D'accord, je m'incline. Faut bien, hein? Mais provisoirement. Alors, un mot peut-être sur cette Dulcie September. Volontiers. En 1988, elle a 53 ans. C'est une métisse, née au Cap, une enseignante. Dans les années 50, à cause de la mise en place du système de l'apartheid, elle est expulsée, comme tous les autres métis du quartier où elle habite. Et elle doit s'installer loin de la ville blanche. Et c'est à ce moment-là, enfin, j'imagine qu'elle devient une militante de l'ANC ? Naturellement. En fait, pour être tout à fait précis, elle a d'abord appartenu à une organisation trotskiste interdite avant de rejoindre l'ANC. Une organisation qui milite en priorité, bien sûr, contre la ségrégation raciale et le pouvoir blanc. Elle a été emprisonnée ? Bien évidemment, comme la plupart des militants de l'ANC. Et au début des années 60, elle est bannie d'Afrique du Sud. L'exil, quoi. Oui, un exil qui durera jusqu'à sa mort en 1988. Et elle continue le combat à l'étranger ? En Zambie, puis à Londres, et c'est en 1984 qu'elle arrive à Paris. Donc, comme déléguée de l'ANC, c'est ça. Ouais. Et vous avez dit que le mouvement de Nelson Mandela n'était pas officiellement reconnu par les autorités françaises. C'est exact. La représentation de l'ANC à Paris était officieuse. Le bureau avait été ouvert en 1981, je crois. Ouais, c'est-à-dire après l'élection de François Mitterrand. Oui. Et en partie grâce à des subsides fournis par le Parti Socialiste. Mais sans statut diplomatique et sous couvert d'une association sous la loi 1901. Mmh. Et Dulcie September elle-même, alors, vous pouvez me dire quel genre de femme était-ce ? Bon, c'était ce qu'on appelle une femme de caractère, quelqu'un de solide, d'énergie. Et ses activités chez nous, alors ? Essentiellement de l'information et de la propagande. Dulcie September était présente partout où il fallait parler de l'Afrique du Sud et de sa politique d'apartheid. Mmh. À noter qu'elle était très proche des communistes et qu'elle a participé à de nombreuses réunions dans des municipalités tenues par le parti. En France, hein. Et au sein de l'ANC, alors, comment était-elle considérée ? Oui, je vois où vous voulez en venir. Certains ont prétendu tout de suite après sa mort qu'elle aurait pu être la victime d'un règlement de compte interne à l'organisation. Et certains, de qui voulez-vous parler ? Du ministre Robert Pendreau, par exemple. Toutefois, c'est une contre-vérité. Dulcie September, c'est vrai, était proche des communistes français et sud-africains, mais il ne faut quand même pas oublier que le Parti communiste sud-africain était une des composantes de l'ANC. Il n'y a jamais eu de dissension politique au sein de l'organisation, se traduisant par l'exécution d'un militant. Par ailleurs, Dulcie September n'était pas une dirigeante de premier plan. Ouais. Bref, elle ne menaçait personne. Oui, ouais. Et puis en plus, elle n'était pas ambitieuse. Voilà. Venons-en, si vous voulez bien, aux circonstances exactes de son assassinat. Le bureau de l'ANC se trouvait rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement, au 4e étage d'un immeuble modeste. Ce matin-là, le 29 mars 1988, Dulcie September, comme chaque jour, prend son courrier, monte au 4e, et c'est sur le palier, au moment où elle engage sa clé dans la serrure de la porte, qu'on tire sur elle. Dire le ou les tueurs attendaient dans l'escalier. Bon, c'est vraisemblable. Ça signifie qu'ils connaissaient très bien ses habitudes et qu'ils avaient repéré les lieux. Et personne n'a rien vu ou entendu ? Vu, si. Un voisin a vu deux Européens sortir de l'immeuble. Mais il n'a pas fait immédiatement le rapport avec la mort de Dulcie, qui sera d'ailleurs découverte beaucoup plus tard. Et entendu ? Bah, les assassins ont utilisé un petit calibre, du 22. C'est très peu bruyant. Ouais. Puis leurs armes devaient être équipées d'un silencieux. Je dois ajouter un autre élément très important. Il y avait depuis quelques semaines des travaux de ravalement dans l'immeuble. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait du bruit, quoi. Évidemment. Ouais. Et des allées et venues. Oui, mais enfin, il y a plus étrange. Parmi les peintres se trouvait un jeune homme qui, à plusieurs reprises, avait bavardé avec Dulcie September et sympathisé avec elle. Or, ce peintre, qui était par ailleurs peu expérimenté, manifestait volontiers auprès de ses collègues des idées racistes et d'extrême droite. Bizarre, non ? Bon, c'est donc sa sympathie pour Dulcie September était feinte ? Donc, ça me semble plausible. Oui, mais quel rôle aurait-il joué ? Je ne sais pas exactement, mais ce qu'il faut noter, c'est que ce curieux peintre a abandonné ses pinceaux très peu de temps après l'assassinat de la déléguée de l'ANC. Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Bon, selon certaines informations, il serait parti pour la Suisse, où il se serait évanoui dans la nature. Dites-moi, ça fait beaucoup de conditionnels, tout ça. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Enfin, c'est sans doute que l'enquête n'a pas été menée avec suffisamment de ténacité. Parce qu'on ne voulait pas forcément aboutir. Ou qu'on ne tenait pas à révéler quelques vérités embarrassantes. Mais enfin, un peu de patience. Il y a tellement de choses étranges dans cette affaire. Tenez, on a même dit que ce matin-là, le contremaître du chantier de ravalement avait été appelé ailleurs. Oui. Pour laisser ce jeune peintre tout seul ? Seul avec un autre peintre, qui lui aussi ne dissimulait pas ses idées d'extrême droite. Eh ben. Mais ce n'est pas tout. À l'étage où était installé le bureau de l'ANC se trouvaient les locaux d'une autre société. Et les activités de cette autre société, là ? Bien, je crois qu'il s'agissait d'une publication spécialisée dans le sport. Enfin, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que cette société a emménagé à peu près au même moment que l'ANC et qu'elle quittera les locaux après la mort de Dulcie September. Mais quelle conclusion tirez-vous ? Bah, à mon avis, il s'agissait de surveiller les activités de la déléguée de l'ANC. Ouais, cette société, là. Mmh. Et alors, qui se cachait derrière cette société? Bah, ça ressemble à une société écran mise en place par un service secret. Service secret, quoi. Les Sud-Africains? Non, non, je crois qu'il s'agissait de gens de chez nous. C'est-à-dire une antenne de la DGSE? C'est ce que je pense, oui. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les informations sur les curieux peintres qui ravalaient l'immeuble de la rue des Petites Écuries et la société qui se trouvait sur le même palier que le bureau de la NC sont corroborées par une minutieuse enquête de la journaliste sud-africaine Evelyn Groninck, publiée par l'hebdomadaire Weekly and Guardian en 1998. Par ailleurs, j'ai trouvé dans un numéro de Jeune Afrique d'avril 1988 des informations sur l'action des services sud-africains contre les militants de l'ANC et j'y lis en particulier ceci. La nouvelle stratégie à l'égard des exilés est particulièrement violente depuis le début de l'année. Certes, jamais Pretoria n'a ménagé l'ANC. On se souvient de l'assassinat en 1980 de Joé Kabi, le représentant du mouvement à Harare, et du colis piégé qui à Maputo, en 1982, coûta la vie à Ruth First, l'épouse de Joe Slovo, le numéro 1 du Parti communiste sud-africain. Les raids se multiplient depuis 1985 dans les pays voisins contre des exilés de l'ANC, raids qui n'épargnent pas les civils. Les commandos sud-africains n'hésitent pas à attaquer Agaburon, Botswana, Maseru, les Autos et même Lusaka, Zambie, des maisons censées héberger des militants de l'ANC. Des coups de main visent parfois à capturer des opposants vivant à l'étranger, tels Ismaël Ibrahim, kidnappé au Swaziland. Mais depuis janvier 1988, le rythme s'accélère. Un étudiant, membre de l'ANC, blessé dans un attentat, est achevé sur son lit d'hôpital. Deux autres succombent dans une voiture piégée au Zimbabwe. Un militant de 19 ans est abattu à Francistown, au Botswana, et un cinquième est assassiné dans un restaurant au Swaziland. Si l'on ajoute trois femmes et un homme près de Gaborone, trois morts au cours d'un accrochage dans le Bantoustan du Veda, la liste prend des allures de litanie, illustrant la volonté de Pretoria d'en découdre avec l'ANC. Enfin, le journaliste de Jeune Afrique rappelle l'attentat manqué en mars 88 contre le représentant de l'ANC à Bruxelles, deux jours seulement avant l'assassinat de Dulcie September. Si ce que vous dites est exact, enfin, si nos services secrets surveillaient les activités de Dulcie September, on peut se demander pourquoi les agents qui étaient en place là n'ont pas su prévenir son assassinat. C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Vous ne pouvez pas y répondre? Pas tout de suite, non. Vous cherchez à protéger vos anciens amis? Absolument pas. Enfin, vous le constaterez par la suite. Ce qui suit après la découverte du corps de Dulcie September n'est pas moins étonnant. En effet, les enquêteurs, comme Robert Pandreau l'a immédiatement annoncé, s'intéressent d'abord aux amis de la victime. Des amis qu'on soupçonne de meurtre. Exactement. Et il y a plusieurs interpellations dans les milieux hostiles au régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. Pourtant, moi, le crime semblait signé, non? En tout cas, ça paraissait clair à tous ceux qui connaissaient bien Dulcie September et qui savaient que le gouvernement de Pretoria lui vouait une haine farouche. D'ailleurs, la presse, dans son ensemble, ne s'y est pas trompée. Il était évident que l'Afrique du Sud avait commandité l'assassinat. Ouais, alors pourquoi ce rideau de fumée? Car c'est bien de ça qu'il s'agit, non? Tout à fait. Mais il faut d'abord dire que nos rapports avec la République sud-africaine n'étaient pas tout à fait innocents. Vous parlez des rapports entre services secrets et aussi des rapports gouvernementaux et économiques. Officiellement, nous, Français, soutenions la politique de boycott contre l'Afrique du Sud et le système de sanctions décidé par les Nations Unies. Officieusement, il en allait tout autrement. Il faut être plus précis, là. Bon, d'abord, par le passé, nous étions souvent rangés dans le même camp. Souvenez-vous, au Biafra, en Guinée, en Angola, nous avions soutenu les mêmes hommes. Et quand notre intervention militaire risquait d'être trop voyante, eh bien, elle était relayée par les Sud-Africains. Il en est allé ainsi quand il s'est agi, par exemple, d'approvisionner en armes les ségrégationnistes biafrais. C'est vrai que ça crée des liens. En effet, et quelques-uns de nos plus fidèles alliés africains n'étaient pas du tout hostiles au fait que nous entretenions de très bonnes relations avec Pretoria. Je pense en particulier au président Houphouët-Boigny. Que voulez-vous, apartheid ou pas apartheid, l'Afrique du Sud était dans le camp occidental et c'est un pays qui occupait une position stratégique capitale. Oui, c'est-à-dire le contrôle de la route maritime vers l'océan Indien. Bien sûr. Du Cap, on peut contrôler et surveiller tout le trafic entre le golfe Persique et l'Occident. En particulier les pétroliers. Ah, l'approvisionnement en pétrole, encore une fois. La route du Cap est donc une voie vitale pour les puissances occidentales et toutes ces bonnes raisons expliquent sans doute qu'en 1986, le gouvernement de Jacques Chirac ait pris le risque d'accepter la visite en France du président sud-africain Peter Botha. Ce qui avait suscité, enfin je m'en souviens moi, de nombreuses protestations. Naturellement, même si cette visite de Botha avait pour prétexte la commémoration de l'armistice en 1918. Pendant la Grande Guerre, de nombreux soldats sud-africains avaient en effet trouvé la mort aux côtés de nos poilus. Et la relation entre nos deux pays, là, sur le plan économique. Ah ben là encore, tout n'était pas clair. Certaines de nos plus grandes entreprises étaient très implantées en Afrique du Sud. Et m'avez-vous dit, il existe en France un véritable lobby sud-africain. Un lobby très actif, oui. Et à de nombreuses reprises, ces gens qui entretenaient d'excellentes relations commerciales avec Pretoria avaient réussi à contourner le boycott mis en place par la communauté internationale. Mmh. Ainsi que nous avons acheté d'importantes quantités de charbon en Afrique du Sud. Clandestinement, donc. C'est ça, oui. Mmh. Quand ce charbon était débarqué dans les ports européens, par exemple, il s'était transformé en charbon australien ou bien belge. Et les autorités françaises fermaient les yeux. Bien entendu. Ça s'est passé sous des gouvernements de gauche comme de droite. Même si, à l'évidence, c'est plutôt à droite qu'on entretenait les meilleures relations avec Pretoria. Enfin, ce bon monsieur Focard n'avait pas oublié les excellents services que nous avaient rendus les Sud-Africains à l'époque de la guerre du Biafra. Mmh. Et les armes. Ah, les armes. Les Africains du Sud avaient besoin de grosses quantités de matériel militaire. Pour contenir l'opposition des Noirs. Mais aussi pour réduire les guérillas qui sévissaient à leurs frontières. Se protéger de voisins hostiles. On va d'ailleurs assister à une militarisation progressive du régime et de la population. Songez qu'à la fin des années 80, l'Afrique du Sud disposera de près d'un demi-million de soldats, sans compter les dizaines de milliers de policiers. Oui, il lui fallait beaucoup d'armes. Oui. Les Américains, qui étaient leurs premiers fournisseurs, ne pouvaient plus l'en fournir. À cause du boycott ? Et aussi du problème noir aux États-Unis. Et il était difficile aux Américains d'armer un régime qui avait établi comme règle la ségrégation raciale, alors qu'eux-mêmes venaient d'émanciper leurs Noirs. Les Afro-Américains, comme on dit aujourd'hui, quand on se veut politiquement correct. Politiquement correct. Mmh. Pretoria avait donc dû se trouver d'autres fournisseurs. C'est là que la France intervient, très tôt, dès le début des années 60. C'est sous la présidence du général de Gaulle. Oui, peut-être même à l'instigation des Américains qui ne pouvaient plus armer les Africains du Sud, mais qui n'entendait pas pour autant oublier l'importance stratégique de cet État. Alors, malgré l'apartheid, nous avons livré du matériel militaire au gouvernement de Pretoria. Et des quantités considérables, des hélicoptères, des avions, des missiles, des bateaux et même des sous-marins. Et pourquoi pensez-vous que c'était peut-être à l'instigation des Américains ? Parce que lorsque la France a été mise en cause à l'ONU, puisque les Nations Unies recommandaient de ne pas vendre de matériel militaire à l'Afrique du Sud, les États-Unis ont toujours refusé de s'associer à cette condamnation. Il y avait donc une complicité objective entre Paris et Washington. Je le pense, oui. Ils étaient assez hypocrites. Mais est-ce que ces livraisons d'armes impliquaient aussi des relations étroites entre les services secrets de nos deux pays? Oh, c'est évident. Beaucoup de gens chez nous considéraient que l'Afrique du Sud était une sorte de bastion avancé de la civilisation occidentale. Un bastion menacé, parce qu'entouré par des pays hostiles où les Soviétiques exerçaient une influence notable. L'Angola, la Zambie... Et le Mozambique. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit quand nous avons parlé ensemble de l'Angola. La France a été longtemps l'un des plus fermes soutiens de l'UNITA de Jonas Savimbi. Savimbi qui luttait contre le régime marxiste mis en place à Luanda. Et nos agents secrets ont alors étroitement collaboré avec leurs homologues sud-africains. En toute connaissance de cause. Hein, je peux même dire que ses relations avec les services sud-africains se sont prolongées, alors même qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, les sympathies du gouvernement français allaient plutôt vers les marxistes angolais. Et c'était aussi ces services sud-africains qui étaient chargés de lutter contre les militants anti-apartheid de l'ANC. En grande partie, oui. Même si des organisations parallèles s'occupaient aussi de cette tâche qui constituait la plupart du temps à éliminer physiquement ses opposants. Pour autant, peut-on soupçonner nos propres services d'avoir donné de temps en temps un coup de main aux Sud-Africains ? Contre les militants de l'ANC ? Ben oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ce n'est pas impossible. Alors ça expliquerait que Dulcie September ait été assassinée alors même que, selon vous, elle était surveillée par nos services. Pourquoi pas ? Enfin, à vrai dire, le lobby sud-africain en France et ceux qui, dans nos services, sympathisaient avec le régime de Pretoria, disposaient aussi d'autres filières qui leur permettaient de garder le contact. Des filières très efficaces. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Je vous ai déjà parlé de ce livre, La France-Afrique, de François-Xavier Verchève, publié en 1998 chez Stock, un livre qui fourmille de révélations sur la politique de la France en Afrique. Et voici ce qu'écrit l'auteur à propos de la période de la première cohabitation entre 1986 et 1988. Le régime sud-africain, qui continue d'imposer l'apartheid, est l'objet d'une réprobation universelle et d'un boycott international. Côté réprobation, Focard et Oufouette s'activent depuis 16 ans déjà à réinsérer politiquement leurs amis de Pretoria qui furent leurs alliés durant la guerre du Biafra. Le président Peter Botha, leur grand homme, a été invité en France à la fin de 1986. Côté boycott, la France des réseaux est la championne des contournements en tout genre. Importation clandestine de charbon, coopération dans le nucléaire, trafic d'armes, etc. Le Parti socialiste et la droite ont chacun leur monsieur Afrique du Sud, Jeannie Lorjou et Jean-Yves Olivier, devenus forcément amis. Comme par hasard, tous deux ont été administrateurs d'une filiale de charbonnage de France et se sont investis dans le négoce charbonnier. Jeannie Lorjou s'entremet volontiers pour Alstom, lourdement engagé dans le nucléaire sud-africain, et le journaliste Yves Loiseau impute à Jean-Yves Olivier un coup plus audacieux entre Téhéran, Pretoria et Paris, l'échange de pétrole contre des armes sur fond de prise d'otages au Liban. On aurait apaisé les exigences des mollahs en dépannant le régime d'apartheid. François-Xavier Verchève a publié l'an passé un autre livre sur l'Afrique, Noir Silence, aux éditions des Arènes. L'Afrique du Sud, c'est normal, a toujours attiré la sympathie des gens marqués à l'extrême droite. Ouais, à cause de sa politique d'apartheid. Bien sûr. Et dès la fin de la guerre d'Algérie, quelques-uns de nos soldats perdus, comme on disait à l'époque, sont partis en Afrique du Sud. Pour s'y réfugier ? Oui, ou pour combattre aux côtés de l'armée sud-africaine. Alors en tant que mercenaire ? Oui, oui, il y avait parmi eux d'incontestables spécialistes de la lutte anti-guérilla. Ils étaient donc les bienvenus. Est-ce que c'est l'origine des filières que vous évoquiez ? En partie. D'autres mercenaires, des hommes qui avaient combattu au Katanga, au Biafra, ou qui avaient participé à pas mal de coups fourrés, souvent d'ailleurs organisés par nos services, se sentaient également très proches du régime de Pretoria. Et puis, ces soldats de fortune étaient eux aussi tout prêts à donner un coup de main aux Sud-Africains. Ouais. Ah, j'imagine là qu'on va bientôt parler de Bob Denard. Ah, bah, ça, c'est inévitable. Denard, c'était une sorte de supplétif des services. Quand on ne voulait pas se salir les mains, c'est lui qu'on envoyait. Ouais, c'était pratique. Mais même si ça n'abusait pas grand monde, enfin passons. En 78, Denard débarque aux Comores et destitue le président de cet État indépendant depuis peu. Alors, selon vous, il agit sur ordre de nos services secrets ? Probablement, et en parfait accord avec les Sud-Africains, parce que les Comores intéressent beaucoup Pretoria. Pourquoi ? Il vous suffit pour comprendre de regarder une carte. L'archipel des Comores se trouve juste dans le canal du Mozambique. Entre le Mozambique et Madagascar. Oui, donc pas très loin de l'Afrique du Sud. Or, au Mozambique, comme en Angola, Pretoria soutient les rebelles opposés au gouvernement marxiste en place. des gouvernements accusés d'accueillir chez eux des militants de l'ANC. Mmh. Ces pays sont donc des bases arrières pour pour le mouvement anti-apartheid. Exactement. Et par conséquent, l'installation d'une force amie aux Comores revêt une grande importance pour l'Afrique du Sud. Si vous le voulez bien, enfin, on verra, hein, mais j'aimerais bien qu'on reparle un jour des Comores. Hein. Mmh, d'accord. Ok. Mais non seulement les Sud-Africains pourront lancer des raids sur la côte du Mozambique à partir des Comores, mais en y installant une station d'écoute, ils pourront aussi contrôler les communications régionales. Puis espionner le Mozambique. Oui, et les militants de l'ANC qui y sont réfugiés. En outre, ce n'est pas rien, les Comores peuvent servir de base idéale pour contourner le boycott qui frappe Pretoria. Mmh, c'est ce qui va se passer, hein. Oui. L'Afrique du Sud installe en effet une station d'écoute sur la Grande Comore. Mais surtout, l'aéroport d'Ayaya va servir de plaque tournante pour de multiples trafics. Et puis d'abord, bien sûr, pour les trafics d'armes. Des armes pour l'Afrique du Sud. Et pour l'UNITA de Salimbi, des armes qui viennent en particulier de Chine. Et tout ça, grâce à Denard. Oui, Denard qui est le vrai maître de l'île. Avec l'argent des Sud-Africains, il a constitué la seule et vraie force armée de l'archipel. La garde présidentielle, 600 hommes bien entraînés, encadrés par des mercenaires européens dont beaucoup sont des militants d'extrême droite. Et donc payés par Pretoria. Payés et équipés, oui. Mmh. 600 hommes, c'est un gros budget. Hein. Ah ben, les Sud-Africains n'ont rien à refuser à leur bon ami Bob Denard. Hein. Mmh. Un ami très cher, d'accord. Mais qui, au passage, doit percevoir sa dîme sur tous les trafics qui passent par les Comores. Mais pour Pretoria, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Sans compter que la garde présidentielle, qui n'a de présidentiel que le nom, peut toujours intervenir sur le continent africain en cas de coup dur. Ouais. Alors, raison de plus, on pourra en reparler un jour, mais est-ce que nous ne nous éloignons pas un peu trop là, du dossier d'où le 6 septembre ? Bien au contraire, tout est lié. Résumons. Aux Comores, Bob Denard, supplétif des services français, règne en maître grâce à l'argent sud-africain. À Paris, Dulci September, délégué de l'ANC, cible potentielle pour les services secrets sud-africains, est surveillé par des hommes qui sont liés à la DGSE. Or, il est à peu près certain que les assassins de Dulci September appartenaient à la garde présidentielle de Bob Denard. Mais, allez, comment pouvez-vous être aussi péremptoire ? Bon, parce que la Nouvelle-Afrique du Sud, enfin celle de Mandela, a essayé de faire la lumière sur les activités de toutes les officines chargées d'éliminer les militants de l'ANC. Et des hommes ont fini par parler, l'un en particulier, Eugène de Kock, l'ancien chef du Black Place, une unité secrète de la police qui commanditait les escadrons de la mort. Qu'a dit cet homme ? Il a affirmé que l'exécution de Dulci September avait été coordonnée par le CCB, c'est-à-dire le Bureau de coopération civile de l'armée sud-africaine. Un organisme chargé aussi de lutter contre l'ANC par tous les moyens. Oui, y compris l'assassinat. C'est certain. Et de Kock a ajouté, si c'est bien le CCB qui a coordonné l'exécution, ce sont deux Français, membres de la garde présidentielle des Comores, qui ont agi. Oui. Qui ont exécuté un contrat, en somme. Hein. Mais est-ce que les déclarations de Kock sont fiables ? Parfaitement. De Kock, qui venait d'être condamné à la prison à perpétuité pour des dizaines de crimes qu'il avait ordonnés, n'avait plus rien à perdre. Et d'ailleurs, ces déclarations ont été corroborées par un ancien responsable du CCP. Ouais. Moi, je veux bien vous croire lorsque vous dites que la garde présidentielle était très liée à l'Afrique du Sud. La garde présidentielle de Denard, là. Mmh. Enfin, pourquoi aller chercher des tueurs au sein de cette force ? Parce que les Sud-Africains pouvaient difficilement envoyer leurs propres tueurs en France. Les commanditaires, oui. Les organisateurs, oui. Et certains de ces hommes sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui ont ordonné l'assassinat du premier ministre suédois, Olof Palme, 2 ans plus tôt. Mais tuer eux-mêmes, c'était beaucoup trop risqué. Diplomatiquement ? Oui, pour leur propre sécurité. Des étrangers parlant mal notre langue pouvaient être facilement repérés. Mmh. C'est pourquoi ils ont confié le travail à des Français. Et où pouvait-on trouver des Français susceptibles d'exécuter ce contrat ? Eh bien, sinon au sein de la garde présidentielle comorienne qui était toute dévouée au régime de Pretoria. Mmh. Et Bob Denard, personnellement, a-t-il été impliqué dans cette affaire ? Ça, je ne sais pas. Enfin, ceux qui le connaissent affirment que ce n'était pas le genre du bonhomme. Ah bon ? Alors ces hommes auraient pu agir sans qu'ils le sachent ? C'est possible. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus. Non. Revenons d'un mot sur l'attitude des services français. Hein. Après ce qu'on a dit, ils me paraissent sérieusement impliqués. Hein. Enfin, disons qu'ils ont fait preuve d'une incontestable passivité. Passivité ou complicité ? Quelle importance ? Puis c'était pas forcément la direction du service qui était dans le coup. Il y avait aussi des connivences politiques à la base. des gens des services proches de l'extrême droite ou bien qui collaboraient de longue date avec leurs homologues sud-africains ont pu prendre cette coupable initiative. En tout cas, ils ont au minimum fermé les yeux. Ouais. Reste la question essentielle, hein. Pourquoi Dulcie September a-t-elle été tuée? Est-ce seulement parce qu'elle était la déléguée à Paris de l'ANC? Je pourrais vous dire que pour les escadrons de la mort sud-africains, c'était largement suffisant. Non, en réalité, il y avait autre chose. Les gens qui fréquentaient Dulcie September peu avant sa mort ont tous eu l'impression que la déléguée de l'ANC était en possession d'informations secrètes. Ah, y voilà. Et de quelle nature? Écoutez, je ne vois que deux hypothèses. La première est abracadabra dantesque, pour reprendre l'adjectif favori du président Chirac, encore que... De quoi s'agit-il? Il existait alors en Afrique du Sud un laboratoire secret qui se livrait à des expérimentations chimiques et bactériologiques sur des prisonniers noirs. L'objectif, c'était de mettre au point des armes destinées à éliminer les opposants au régime d'apartheid. Des armes qui provoquent des morts apparemment naturelles. Vous pensez que Dulcie September aurait pu détenir des informations sur ce laboratoire? Je vous l'ai dit, c'est l'une des hypothèses. Bon, je crois que vous n'y croyez guère. Vous penchez plutôt pour la deuxième. Oui, oui. Elle touche une fois de plus au nucléaire. La France avait engagé depuis longtemps une coopération secrète en cette matière avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est, il ne faut pas l'oublier, l'un des grands producteurs d'uranium. Naturellement, cette collaboration violait les mesures de boycott prises contre le pays de l'apartheid. Et vous croyez que Dulcie September a pu avoir la preuve que cette coopération nucléaire se poursuivait clandestinement? Ce n'est nullement exclu. Le lobby sud-africain était très puissant en France. Puis je vous l'ai dit, un de ses membres exerçait même des fonctions au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur. Dulcie September, si elle avait réellement eu connaissance d'informations touchant cette question, devait disparaître au plus vite. Mais son élimination ne réglait pas tout. Elle aurait pu posséder des documents, les mettre... Il s'est passé une longue demi-heure entre sa mort et la découverte de son corps. Donc les tueurs, ou leurs complices, ont eu tout le temps pour fouiller son bureau et s'emparer des papiers qu'elle détenait éventuellement. L'Afrique du Sud, on le sait, possède la bombe atomique. Et peut-être grâce à la France. C'est la thèse de Dominique Lorenz qui vient de publier aux éditions des Arènes « Affaires atomiques ». Je la cite, car ce passage illustre de façon convaincante le récit de M. X. En 1963, De Gaulle passa avec la République sud-africaine un accord en vertu duquel la France recevrait pendant 10 ans d'importantes quantités d'uranium exploitées par les États-Unis et la Grande-Bretagne sans clause d'utilisation pacifique et à des conditions financières très favorables. En échange, Paris s'engagea à transférer à Pretoria les technologies nécessaires à l'élaboration de sa bombe atomique et à former en France des physiciens sud-africains. Des contrats parallèles entre Bonn et Pretoria, ainsi qu'entre Jérusalem et Pretoria, furent également signés. L'Afrique du Sud devint ainsi le principal fournisseur d'uranium de l'Allemagne fédérale et d'Israël, ainsi que le bénéficiaire des technologies américaines transférées par ces pays. Il ne s'agissait plus d'une triangulaire, mais d'un jeu de billard à 5 bandes. Washington, Paris, Jérusalem, Bonn et Pretoria étaient liés par des accords de coopération croisés, portant à la fois sur des transferts de technologies, des travaux de construction d'installations nucléaires, la formation de personnel hautement qualifié, la vente et l'achat d'uranium naturel et enrichi. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire ou demander des renseignements sur cette émission sur notre site www.franceinter.com.